Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, président du mouvement ougandais de résistance nationale, a fait parvenir le 4 juillet un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a écrit que c'est la grande joie de formuler les salutations chaleureuses au maréchal Kim Jong-un, au gouvernement de la République populaire démocratique de Corée et au peuple coréen, au nom du gouvernement et du peuple de la République ougandaise, à la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Il a exprimé sa satisfaction aux excellentes relations de coopération en bonne entente entre les deux pays et parties. Et il a montré encore son intention de travailler étroitement avec le maréchal Kim Jong-un pour développer ces excellentes relations conformément aux intérêts de deux pays. Finalement, il a souhaité santé au maréchal Kim Jong-un et prospérité au peuple coréen.